les jeunes, je suis Mpoubelman. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Alors, c'est à Mpoubelman de ramasser tout ce que vous faites dans ce studio? Ouais! Est-ce que vous êtes en forme? Ouais! Vous êtes prêts à tout retourner avec Mpoubelman? Ouais! Sauf les poubelles. J'arrive de nulle part, je suis jamais en retard. Je pourchasse les odeurs, même dans ton falzar. Les pollueurs, je t'y ai vu. T'as vu? Je combats les escrocs. Wesh gros! Avec mon sac poubelle et ma pelle, je me surpasse. Yes, papas! Mon stick of the week qui sent la banane. Tout le monde respire avec Mpoubelman. Je ramasse tous les déchets, je fais le tri sélectif. Je prends même les déchets radio. Actif! Poubelle, c'est moi, mon nom c'est Man. Si t'as besoin d'aide, t'appelles Mpoubelman. Hey copine, je suis une wash machine. Ramène tes cousines et je leur lave le jean. Mpoubelman, la puissance du vide d'ordure. Son nom c'est Mpoubelman. Les déchets, les épluchures. Mpoubelman, oui, c'est mon nom. Son nom c'est Mpoubelman. C'est moi, Mpoubelman. Alors coquine, tu es déjà conquise. Toi aussi, tu vas fredonner la chanson de Mpoubelman en passant l'aspirateur. Écoute, c'est la suite. Un jour j'irai en Isère voir Super Phoenix. Pour agrandir mon sexe, c'est mieux qu'un film X. Les radiations m'excitent. T'excites. C'est là qu'il faut que j'habite. T'habites. Je suis un super héros, plus fort que Rambo. Je peux bouffer des nems, j'ai jamais de gastro. À part ceux de Déchets Boy. C'est moi Déchets Boy. Je vous jure, ça laisse des traces. Nique ta race. Tu recycles? Ouais, c'est vrai. Même les piles? Moi, comment tu le sais? Allez, viens petite visiter ma déchetterie. Je t'invite. C'est à... La puissance du vide d'ordure. Son nom c'est Mpoubelman. Les déchets, les épluchures. Mpoubelman. Oui, c'est mon nom. Son nom c'est Mpoubelman. C'est moi, Mpoubelman. Alors, tu en veux encore ?